Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Vel kalemi ve ma yasturun. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nun. Par la plume et ce qu'ils écrivent. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Toi, Mohammed, n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais ininterrompue. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Et tu es certes d'une moralité imminente. فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ Tu verras et ils verront بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ Qui d'entre vous a perdu la raison ? إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. فلا تطع المكذبين. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بنميم. Grand diffamateur, grand colporteur de médisance. مناع للخير معتد أثيم. Grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur. عتل بعد ذلك زنيم. Au cœur dur, et en plus de cela bâtard. أن كان ذا مال وبنين. Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Quand nos versets lui sont récités, il dit des contes d'anciens. سنسمه على الخرطوم. Nous le marquerons sur le museau, nez. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger qui avaient juré d'en faire la récolte au matin. Sans dire, si Allah le veut. Une calamité de la part de ton Seigneur tomba dessus pendant qu'il dormait. فأصبحت كالصريم. Et le matin, ce fut comme si tout avait été rasé. فتنادوا مصبحين. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Partez tôt à votre champ si vous voulez le récolter. فانطلقوا وهم يتخافتون. Ils allèrent donc tout en parlant entre eux à voix basse. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. وغدوا على حرد قادرين. Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ Puis quand ils le virent, le jardin, ils dirent « Vraiment, nous avons perdu notre chemin. » « بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Ou plutôt nous sommes frustrés. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Le plus juste d'entre eux dit, ne vous avais-je pas dit si seulement vous avez rendu gloire à Allah? قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Ils dirent, gloire à notre Seigneur, oui. Nous avons été des injustes. Puis ils s'adressèrent les uns aux autres, se faisant des reproches. Ils dirent, malheur à nous, nous avons été des rebelles. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Tel fut le châtiment, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement ils savaient. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins du délice. Traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels ? Qu'avez-vous ? Comment jugez-vous ? أم لكم كتاب فيه تدرسون Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez Inna lakum fihi lama takhayyarun Qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez Am lakum aymanun alayna balighatun ila yawm al-qiyamati inna lakum lama tahkumun Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez ? Salhum ayyuhum bidhalika za'im. Demande-leur qui d'entre eux en est garant. Am lahum shuraka'u falyatu bi shuraka'ihim in kanu sadiqin. Ou encore, est-ce qu'ils sont des associés? Eh bien, qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Le jour où ils affronteront les horreurs du jugement et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas.